un bon exemple à suivre dans Abraham, le prophète Abraham, Ibrahim, et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. On se désavoue, c'est-à-dire, allez, on n'a rien à voir avec vous et on ne veut rien savoir de vous, ainsi que de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Et il a débuté entre vous, entre nous et vous, une animosité et une haine qui durera pour toujours, jusqu'à ce que vous acceptiez de croire en Allah seul. Si quelqu'un pourrait prendre, je ne sais pas, un morceau de tapis, puis donner à la sœur qui est en arrière pour qu'elle puisse prier derrière les hommes. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour elle. Et malheureusement, notre mosquée n'est pas encore terminée. Comme vous savez qu'on est en train de faire des rénovations pour essayer d'agrandir la mosquée pour pouvoir accommoder tout le monde et d'avoir une partie ou une section pour les femmes pour qu'elles puissent venir faire la prière si elles le désirent. Mais malheureusement, on n'a pas encore terminé les travaux. Donc on espère de la part des frères qu'ils s'abstiennent d'amener leurs épouses pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait terminé les travaux. Et lorsqu'on aura terminé les travaux, et qu'on aura un espace approprié, qui est sécuritaire en même temps pour les femmes, eh bien dans ce cas-là, ils pourront venir avec celles-ci. Mais pour le moment, on n'est pas encore prêt, malheureusement. Donc on s'excuse pour toute difficulté qu'on vous a causé à cause de cette situation. Wa qala ta'ala la tajidu qawman. Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui opposent Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur famille. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et a écrit dans leur cœur la foi et les a renforcés d'une force venant de lui. Et il les fera rentrer dans des paradis, c'est-à-dire des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Ceux-là font partie du parti d'Allah ou du groupe d'Allah. Et certes, le parti d'Allah, c'est celui qui a le succès. Également, c'est rapporté dans un hadith selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui a dit que l'anse la plus solide de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. De s'allier avec les hommes pour Allah et de se désavouer ou de détester pour Allah. Donc ça, c'est parmi les principes les plus importants de la religion, parmi les principes les plus importants de l'islam. Puisque si tu dis que tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas dire en même temps que tu aimes le shaytan. Tu ne peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala, puis aimer le shaytan en même temps. Et tu ne peux pas aimer non plus les alliés d'Allah, ses prophètes et les croyants parmi les sahaba et ceux qui ont cru jusqu'à aujourd'hui, et en même temps aimer les alliés du shaytan, hein, les kuffars et les mushrikines et ceux qui contredisent la religion d'Allah. Si tu prétends aimer Allah et ses alliés et aimer en même temps le shaytan et ses alliés, c'est parce qu'en réalité tu n'as pas compris la réalité de la foi et parce qu'en même temps tu es en contradiction avec la réalité de l'islam. Wa kana ar-rajul yaqdumu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa yuslim fama yantiqu bi shahadatayn wa yadkhulu fi ad-din hatta tanqaliba adawatuhu lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa li ashabihi wa li sha'air al-islam ila hubbin 'azimin wa wala'in wathiq وتنقلب محبته لأهله وقرابته ودينه وشعائره إلى بغض في الله وبراءة ومعاداة. Lorsque un homme venait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le messager d'Allah pour accepter l'islam, du moment qu'il prononçait le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et qu'il entrait dans la religion de l'islam, eh bien la haine qu'il avait pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons et pour les préceptes de l'islam se transformait en amour et en respect et en alliance solide. Et son amour qu'il avait pour sa famille, pour ses proches, pour sa religion de shirk, l'idolâtrie, et pour les principes de cette religion qu'il suivait auparavant, qui l'incitait à adorer les idoles et à commettre toutes sortes de contradictions avec la religion d'Allah, eh bien ça se transformait en haine pour Allah, et en désaveu, et en animosité. Il aimait l'islam, et il se mettait à détester le kufr et le shirk. Et ça, c'est l'attitude du mu'min, du vrai croyant. Il ne trouve pas dans son cœur de contradiction, dans ses amours et dans ce qu'il déteste. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Il n'y a pas de contradiction chez lui entre ses alliés et ses ennemis et ses opposants. Il aime ce que Allah aime et ce qui aime Allah, et il déteste ce que Allah déteste et ce qui déteste Allah subhanahu wa ta'ala. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذه البراءة من الكفار والمشركين حتى كان يمنع من التشبه بهم فيما يختصون به من عاداتهم وألبستهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يورث الميل والموافقة الباطنة، وكان يجزر عن التشبه بهم أو مشاركتهم في شعائرهم وعباداتهم وأعيادهم، لأن الأعياد من شعائر الأمم والملل، وقل عيد لأمة إلا وله ارتباط بدينهم وعقيدتهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم faisait beaucoup d'efforts pour renforcer et mettre de l'emphase sur cette animosité et ce désaveu qu'on doit avoir envers les non-croyants et envers les idolâtres. Jusqu'au point qu'il interdisait aux musulmans de ressembler aux kuffars et aux mushrikins dans ce qui leur est particulier, de leurs traditions, de leurs habillements, et de leur ressembler dans ce qui est apparent. Pourquoi? Parce que le fait de leur ressembler dans ce qui est apparent amène par la suite à développer un attachement par rapport à ce qui est à l'intérieur. Tu ressembles à quelqu'un à l'extérieur, puis tu commences à lui ressembler de plus en plus et petit à petit, jusqu'à ce que ce qui est à l'intérieur de toi commence à correspondre à ce qui est à l'intérieur de ceux que tu imites. À force de les ressembler, tu commences à devenir petit à petit comme eux, sans même t'en apercevoir, sans même réaliser que tu commences à devenir comme eux. Et puis à la fin, tu deviens un des leurs. Alors que tu prétends être contre eux ou de ne pas les aimer ou de les opposer dans leurs croyances. Eh bien, tout au contraire, tu commences à imiter les non-croyants dans leurs traditions, dans leurs habitudes, dans leur culture, dans leur religion, dans leurs croyances et dans leurs pratiques. Et donc, c'est pour fermer la porte à cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de leur ressembler, même dans ce qui est apparent. Et il y a peu de fêtes ou de célébrations qui sont pratiquées chez les kuffars et chez les mushrikines, excepté que cette célébration et que cette fête est reliée d'une façon ou d'une autre à des croyances religieuses et à des croyances culturel ou autre. Donc il y a un lien entre toutes les fêtes que les kuffars et les mushrikines célèbrent et leur religion de kufr et de shirk. فمن ذلك انه قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجدهم يحتفلون بيومين من ايام التي الفوها في جاهليتهم توارثوها جيلا بعد جيل فأبطلها صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقتصر احتفالهم بعيد الفطر وعيد الأضحى. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est arrivé à Médine au début de l'islam, lorsque les gens de Médine ont accepté l'islam, il les a trouvés en train de célébrer deux fêtes. Et ce sont deux célébrations qu'ils avaient gardées depuis la Jahiliya, c'est-à-dire la période avant l'islam. Et ils célébraient ces fêtes-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, vous ne célébrez plus ces fêtes. Vous ne faites plus ces célébrations-là. Maintenant, vous allez avoir uniquement deux célébrations par année. Et ces deux célébrations que vous allez avoir, c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc, les croyants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont soumis à ce commandement et ils se sont limités à ces deux fêtes. Et ils n'ont pas accepté de célébrer ou de fêter aucune autre fête en dehors de ces deux-là. Et ça, c'est l'attitude des mu'minines. Tandis que l'attitude des munafiqines, ou bien l'attitude des gens qui ont des faiblesses ou des doutes dans leur compréhension et dans leur foi de l'islam, ils commencent à sortir des arguments pour essayer de justifier les pratiques culturelles qu'ils veulent suivre et les passions qu'ils désirent imiter. Hein? Donc ils vont dire, oui mais ça c'est notre culture. Nous dans notre culture on fait ça comme ça. Et dans notre pays on fait ça comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il s'adressait à qui? À des Arabes. Et lui-même est un arabe. Donc sa propre culture, il était en train de la condamner et de la rejeter. Et à dire aux arabes, cette culture arabe que vous êtes en train de suivre, qui est reliée au shirk, vous devez la rejeter. Pourquoi? Parce qu'elle contredit la voix des prophètes et des messagers. Ce n'est pas une question de nationalité ou d'origine. Peu importe de quelle origine on est, si on a des pratiques culturelles, ou des fêtes, ou des célébrations, peu importe d'où on vient, et qu'elles contredisent la voie et les enseignements des messagers d'Allah, il est obligatoire pour nous de s'en écarter et de cesser de les fêter et de les célébrer. En particulier si on est conscient et qu'on a compris l'islam et qu'on sait que ces fêtes sont reliées à des croyances qui sont contraires à la vérité, qui sont reliées à l'idolâtrie ou à toutes sortes de croyances païennes. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et donc, il a trouvé deux fêtes et il leur a ordonné de cesser de les célébrer. Et donc, c'est la même chose pour n'importe quelle autre fête dans d'autres pays ou de d'autres cultures ou de d'autres origines, peu importe le pays ou l'endroit ou la culture. Si on est musulman et qu'on a accepté la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on doit cesser de fêter toute autre célébration que qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Peu importe qu'est-ce que cette fête-là peut être. Et se limiter à ces deux fêtes. وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي نَظَرْتُ أَنْ أَنْحَرَبْ إِبِلًا بِبَوَانَ فَقَالَ هَلْ كَانَ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَةِ يُعْبَدْ هُنَاكَ قَالَ لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا مِنْ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ فدل على أنه لو كان في بوانة وهي مكان لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لمنعه من النحر فيها لله حتى لا تقع منه المشاركة لهم في عيدهم وأثنى الله على عباده عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور وقد فسر بعض السلف كمجاهد والضحاك وابن سيرين وغيرهما الزور بأعياد المشركين فأثنى عليهم باجتنابهم هذا الاحتفال كما أثنى عليهم باجتنابهم الشرك والقتل بغير حق واجتنابهم الزنا. Et donc, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, j'ai fait le vœu de sacrifier un chameau à un endroit qu'on appelle Bawana. Donc j'ai fait un vœu que j'allais sacrifier un chameau à cet endroit-là. Si telle ou telle chose, Allah me l'accordait. Et donc, maintenant Allah me l'a accordé. Et donc maintenant, pour respecter le vœu que j'ai fait, je voudrais aller sacrifier ce chameau à cet endroit-là pour remercier Allah de m'avoir exaucé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, est-ce qu'à cet endroit-là, à Bawana, est-ce qu'il y avait des idoles, des mouchriquins qui étaient adorés dans le passé? Et l'homme a dit non. Ensuite, il lui a posé la question et lui a dit, est-ce qu'il y avait une célébration parmi leurs célébrations qui était célébrée à cet endroit-là, parmi les célébrations de l'idolâtrie pré-islamique? Il a dit non. Alors il dit, dans ce cas-là, va remplir ton vœu, hein, et va faire ce que tu avais fait le vœu de faire à cet endroit-là. Ça, et donc ça c'est la preuve que si à cet endroit il y avait une célébration parmi les célébrations des mouchriquins et des koufars, eh bien ça n'aurait pas été permis pour lui d'aller faire ce sacrifice à cet endroit-là. Parce qu'il y aurait une complicité, hein, une certaine acceptation de leur pratique religieuse à cet endroit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge dans le Coran de ses serviteurs, les serviteurs du tout miséricordieux, Ar-Rahman. Et il a dit, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas témoins de tout ce qui est mensonger, tout ce qui est faux, tout ce qui est péché, tout ce qui est contraire à la vérité. Az-Zur. Hein? Donc, Allah fait l'éloge de ceux qui ne sont pas témoins de ces choses-là. Donc, شَهَدَةُ الزُّورِ, le fait de témoigner de qu'est-ce qui est zour, qu'est-ce qui est mensonger, qu'est-ce qui est faux, c'est pas, ça se limite pas seulement à faire des faux témoignages, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et ça implique même, comme les savants de tafsir l'ont mentionné, comme certains salafs, Mujahid et Al-Dahhak, Ibn Sirin et d'autres parmi les salafs, ont expliqué que parmi les exemples de ce qui rentre dans Shahadat al-Zour, il y a justement de célébrer ou de fêter les fêtes des mouchriquins. Et Allah a fait l'éloge de ceux qui s'écartent, de ceux qui fêtent ce genre de choses-là, de la même manière qu'il a fait l'éloge de ceux qui s'écartent du shirk, du meurtre et de l'adultère. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم يعني أي عيد أي عيدهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة رواه البخاري. Et donc c'est rapporté selon Abdullah ibn Amr qu'il a dit que celui qui s'installe dans les pays des étrangers parmi les non-musulmans et qui fait les fêtes et qui fait leurs célébrations, leurs festivals, leurs carnavals, leurs fêtes, hein, peu importe la fête qu'ils font, que ce soit des Mardi Gras ou des Halloween ou la fête de Noël, la fête du jour de l'an, ou peu importe quelle autre fête qu'ils font, hein, même les célébrations ou les fêtes qui sont innovées à l'intérieur de l'islam mais qui ne font pas partie de l'islam réellement, c'est des choses qui ont été inventées après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple la célébration du Mawlid al-Nabawi, la célébration de la naissance, ou l'anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une innovation, hein, c'est un des péchés que les gens de l'innovation ont inventé, qui ne faisait pas partie de l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des sahaba, ni à l'époque des tabi'in, ni à l'époque des tabi'in. Ceux qui ont inventé ça dans les pays musulmans, c'est des sectes parmi les sectes d'innovation. Maintenant c'est devenu répandu, mais elle n'a aucune authenticité, cette fête. Donc toute personne qui ramène ce genre de célébration là ou qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui également dans la célébration de ce qu'ils appellent Yawm al-Ashura, hein, les Shia al-Rafida, lorsqu'ils veulent parler de la mort de Al-Hussein radiyallahu anhu, hein, eh bien ils se frappent avec des couteaux et ils se flagellent et jusqu'à ce que le sang coule sur leur tête et leur visage, et ils prétendent qu'ils veulent exprimer leur tristesse pour la mort de Al-Hussein radiyallahu anhu, eh bien tout ça c'est interdit dans l'islam. Et au contraire, on sait, nous, la réalité de l'histoire, que ces gens-là, c'est eux qui ont été la cause même de la mort de Al-Hussein. Maintenant, ils se flagellent et ils se coupent avec des couteaux pour montrer leur tristesse pour ce jour-là, alors qu'en réalité, ce sont eux qui l'ont tué et qui ont été la cause de ça. Et de toute façon, de faire ce genre de flagellation, puis de se couper avec des couteaux, ça c'est complètement contraire à l'islam. Ça ne fait pas partie de la religion de l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné de faire ça. et n'a jamais enseigné aux sahaba de faire ça, et les sahaba ne l'ont jamais fait non plus. Donc c'est quelque chose qui est une bid'a, qui est contraire à la religion. Et de toute façon, les rafida, comme on dit, ce sont des gens qui font partie des idolâtres aussi. Les shi'a rafida sont parmi les idolâtres, puisqu'ils prient et ils adorent les tombes des morts, hein, peu importe qui ils sont, même si ce sont des hommes pieux parfois, parce qu'ils peuvent parfois faire une tombe, une mosquée sur la tombe de Ali, radiallahu anhu, une mosquée sur la tombe de Al-Hussein, et sur les tombes des hommes pieux, ça c'est des gens pieux, c'est des gens parmi les salihin, parmi les sahaba. Mais est-ce qu'on a le droit, parce qu'ils étaient pieux, de les adorer avec Allah et de leur offrir de l'adoration et de les respecter au point de faire d'eux des divinités? Ça c'est du shirk avec Allah et c'est interdit. Et donc on n'a pas le droit de célébrer ce genre de célébration là. Et justement Ashura s'en vient dans quelques jours et c'est recommandé de le jeûner, et de jeûner le jour avant. C'est le 10e jour du mois de Muharram et le 9e aussi. Le professeur sallallahu nous a encouragé de les célébrer. فليحذر المسلم من مشاركة اليهود والنصارى والمشركين في أعيادهم أو الإهداء لهم فيه أو إعانتهم عليه لأن مشاركتهم في ذلك نوع من موافقة منك على ما هم عليه من الباطل كأعيادهم أعياد النصارى ألوهية عيسى أو بنوته أو كونه ثالث ثلاثة فهم إنما يحتفلون بمولد إلههم ومخلصهم وابن ربهم فيما يزعمون تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. Et donc le musulman doit faire attention de ne pas participer aux célébrations des juifs et des chrétiens et des mouchriquines dans leurs célébrations et dans leurs fêtes, ou de leur donner des cadeaux ou de leur faire des présents en ces célébrations-là. Parce que ça signifie que tu es d'accord avec ce qu'ils font et que tu participes avec eux dans leurs célébrations. Et on sait que leurs célébrations font partie de ce qui est le plus faux, puisqu'ils croient que Isa, alayhi salam, Jésus, est Dieu, ou fils de Dieu, ou qu'il fait partie d'une trinité, hein, avec Dieu. Et ça, on sait que c'est de l'idolâtrie et du shirk. Et donc, si tu participes avec eux dans ces fêtes, c'est comme si tu leur disais, qu'est-ce que vous croyez à propos de Jésus, c'est vrai, on est d'accord avec vous. Hein, même si tu ne le dis pas. Aynam. Tandis que si, par exemple, eux, ils nous offrent un cadeau, tant que ce n'est pas de la viande qui a été égorgée pour cette fête, on a le droit de la manger. On a le droit de le prendre, le cadeau qu'ils nous donnent. Hein? Mais on n'a pas le droit, nous, de leur en donner pour cette fête-là. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية نيروز فقبلها. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne que si on reçoit des cadeaux de leur part, de la part des mouchriquins, des kuffars, des juifs et des chrétiens le jour de leur fête, on a le droit de l'accepter. Comme Ali ibn Abi Talib a reçu un cadeau le jour du Nayruz, c'est la fête des Perses, hein, avant l'islam. Eh bien, il a accepté ce cadeau. Et il y a d'autres exemples aussi qui sont mentionnés de la part des salafs à ce sujet-là. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عباد الله, مما قرره أئمتنا في هذا الباب وما جاء في فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وننصحك بالرجوع إلى كتاب اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو مفيد جدا في هذا الباب. انتهى كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: أما التهنية بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنيتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر. ومن ذلك تهنيتهم بما يسمى بعيد الكريسماس يعني نويل أو ما شابه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا حتى وإن كانوا يهنئون بأعيادنا، فإننا لا نهنئهم بأعيادهم. والفرق أن تهنيتهم إيانا بأعيادنا تهنية بحق، وأن تهنيتنا إياهم بأعيادهم تهنية بباطل. انتهى كلامه. إذنك on n'a pas le droit dans les jours de fête des koufars de les imiter et de célébrer avec eux. Un des grands savants de notre époque, Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, il a dit: il n'est pas permis aux musulmans de participer avec les koufars dans leurs fêtes et de montrer la joie dans ces jours-là et de prendre des congés de travail, que ce soit religieux ou non religieux, parce que c'est une ressemblance avec les ennemis de la religion et de collaboration avec eux dans ce qui est faux. Et ça, c'est pas permis. Et il a été rapporté de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui ressemble à un peuple devient un des leurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: et aidez-vous mutuellement dans la piété et dans la bonté, dans la piété. Mais ne vous entraidez pas les uns les autres dans le péché et la transgression, et craignez Allah. Certes, Allah est dur en châtiment. Et on vous conseille de retourner au livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et on fait des cours avec ce livre-là tous les samedis, ici à la mosquée, après le Maghreb. On traduit même en français. Donc c'est un très bon livre. Et Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit dans Sharh al-Mumti' que de souhaiter la bonne fête aux koufars dans leur fête, c'est quelque chose qui est haram, c'est pas permis, même que ça peut même amener quelqu'un à tomber dans la mécréance. Parce que si tu leur souhaites des bons vœux de fête à cause de leur célébration de kufr, c'est comme si tu disais que tu étais satisfait de leur croyance. C'est comme si tu disais: je suis satisfait avec vous et je suis d'accord avec vous que Jésus c'est Dieu ou fils de Dieu ou qu'il est une trinité avec Dieu, et je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez comme croyance. Hein? Et donc, on n'a pas le droit de célébrer ça ou de leur souhaiter bonne fête. Si eux, ils nous souhaitent bonne fête, hein, c'est une chose, parce qu'ils nous souhaitent bonne fête et nous, on est sur la vérité, parce qu'on est sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah. Tandis que eux, ils sont sur le shirk, et si tu les félicites pour ça, eh bien, c'est comme si tu leur félicitais pour quelque chose de faux, et donc ça, c'est pas permis. Donc, un petit rappel juste avant de terminer par rapport à la fête de l'Halloween. À chaque année, on voit de plus en plus de musulmans et de musulmanes qui déguisent leurs enfants et qui passent dans les rues pour demander des bonbons aux portes. Et ça fait partie également de l'imitation des koufars et des mouchriquins. Dans la fête des morts, ils célèbrent les morts et ils se déguisent en diable, ils se déguisent en sorcière, ils se déguisent en toutes sortes de choses qui sont laides et épeurantes, hein? Et donc c'est des choses, même si ces koufars vont dire: ça c'est juste pour rire et c'est juste pour les enfants et c'est juste pour avoir des bonbons. Si tu veux des bonbons, tu peux aller en acheter au magasin, hein? Tu peux en avoir toute l'année. Donc il n'y a pas de raison de se déguiser, de marcher dans la rue pour s'habiller en shaitan ou s'habiller en djinn ou s'habiller en je sais pas quoi pour aller demander des bonbons aux gens dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et le pire, c'est que tu vois des femmes musulmanes avec le hijab qui passent avec leurs petits-enfants habillés en shaitan et qui demandent des bonbons dans la rue. Yani, subhanallah, est-ce qu'elles ont perdu leur raison? Est-ce qu'elles ont perdu leur compréhension de la religion musulmane? Et donc, c'est pas permis de faire ça. Soit les autres fêtes également, Noël ou le jour de l'an, hein, ou bien les autres. Il y en a qui ramènent des paroles qu'ils essaient d'utiliser pour justifier ce qu'ils font. Et ils disent, quand tu es à Rome, fais comme les Romains. Hein. Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de dire, quand tu es à Rome, fais comme les Romains. Parce que si un Romain, il va ailleurs, dans un pays musulman, il ne va pas cesser d'être Romain. Il va agir comme il agit, comme quand il est dans son pays. Alors nous, on est des musulmans. Pourquoi quand on vient dans un pays non musulman, on commence à devenir comme les gens de ce pays? C'est pas permis. Et si quelqu'un, comme par exemple d'ici, qui est né ici, et que ses ancêtres sont d'ici aussi, et qu'il se convertit à l'islam, est-ce que parce qu'il est d'ici, il doit continuer à célébrer les célébrations de shirk et de kufr? Rappelez-vous que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Médine, chez les Arabes, et il leur a dit, vous cessez de célébrer ces fêtes. Hein? Alors que c'était des fêtes pratiquées par les Arabes, chez les Arabes. Mais parce qu'ils ont accepté l'islam, ils devaient cesser de les faire. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui naît ici, qui vit ici et qui devient musulman. Il doit cesser de célébrer ces fêtes-là parce qu'elles sont contraires à l'enseignement de l'islam et à la pratique des messagers et des prophètes. N'importe quelle fête que vous voyez, posez-vous toujours la question. Même les fêtes d'anniversaire. Posez-vous toujours la question pour n'importe quelle fête. Est-ce que les messagers d'Allah ont célébré cette fête? Hein? Et est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté? Si c'est le cas, alors alhamdoulilah. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, abstenez-vous. Parce que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de le faire. Et ça comprend également la fête des Shia al-Rafida qui célèbre al-Ashura et qui se frappe avec le couteau. C'est pas ça, hein, ça aussi c'est pas permis. Ça fait partie des choses qui sont interdites. Donc il y a une chose que dans votre tête, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi je suis venu au Canada? Pourquoi je suis venu dans un pays non musulman? Pourquoi j'ai quitté un pays musulman où il y a les mosquées et où on pratique l'islam et où la majorité des gens sont sur l'islam et j'ai pas de difficulté quand c'est le temps de fêter les fêtes islamiques et de pratiquer ma religion, pas de complications, et pourquoi j'ai voulu venir ici? Est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce que c'est une raison islamique? Est-ce que c'est parce que vous voulez travailler, faire suffisamment d'argent et retourner? Est-ce que c'est parce que vous êtes venu apprendre une science pour retourner en faire profiter vos pays? Ou bien est-ce que c'est juste pour venir vivre ici et devenir quelqu'un qui fond dans la société et qui perd son identité et qui devient quelqu'un, hein, qui n'a plus de foi et qui imite les mushrikines et les kuffars? Posez-vous cette question, parce que ça c'est très important. C'est pas permis pour un musulman de venir vivre chez les kuffars pour devenir comme eux et perdre son identité islamique et oublier qui il est devant son créateur. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le Canada, qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui a créé l'air qu'on respire. Tout ça, ça vient d'Allah seulement. Ça vient de personne d'autre. Mais en même temps, il nous ordonne d'être là où on est capable de l'adorer comme lui veut qu'on l'adore. Pas d'être dans un endroit où c'est difficile pour nous de l'adorer. Hein? Si tu veux faire ta salat, tu ne vas pas aller dans un bar. Parce que tu sais que dans cet endroit-là, si tu dis aux gens, arrêtez la musique, et cessez de boire de l'alcool, je vais faire ma prière. Personne ne va t'écouter. Eh bien, on est dans un grand bar ici, au Canada. Même si tu penses qu'on a plus de liberté, mais est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'appliquer ta religion? Pourquoi tu vas te mettre dans une situation où tu te donnes à toi-même de la difficulté? À moins que le bienfait que tu vas en retirer est plus grand que le mal. Dans le sens que tu viens pour quelque chose de bien spécifique, et une fois que tu l'as, eh bien tu retournes, hein, dans les pays musulmans.